Tu veux quelque chose ? Il lui demande si elle veut quelque chose. Est-ce que tu es libre ce soir ? Il lui demande si elle est libre ce soir. Tu as envie de sortir ? Il lui demande si elle a envie de sortir. Est-ce que tu veux aller au ciné ? Il lui demande si elle veut aller au ciné. Tu aimes les films policiers ? Il lui demande si elle aime les films policiers.